أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن قرب حاضرين إمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني رضي الله تعالى عنه. عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القمر تتخذ حلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين عبد العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام عن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. حديث بوبو nga xamantene mom lañu jang mom moy hadith bi nga xamantene ci lañ nekkon waron jeexal nak tay xamna inshallah ndax jotay bi wessu lañ ko waron jeexal mais dafa am voilà ci moy jour Ashura bi lawon wala mo taxone ci ñu ko kon tay legui inshallah ñu jëjëm ko motal inshallah ci ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu ak tambali gën ci tambali ak tamit ak motal bi gën ci motal bi kon hadith mom mo ni an Anas ibn Malik laaj na daan solo nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu anno xalamu waxna su'ila laaj na rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam anil khamri ci mbirum sangara mo xamne tut taxalu dañ koy jël soppi ko def ko khallan bi neela nu laaj ko ndax nañ ko def qala yantibi sallallahu alaihi wasallam ton ne la dede akhrajahu hadith bi kiko solo mom moy muslim imam muslim ibn hajjaj rahimahullah alayhi ak wa tirmizi al imam abu isa at tirmizi rahimahullah alayhi wa qala mom mun hasan sahih manam hadithun hasan sahih lol yeb tamit gison nañ limi tekki ak mana yi gison nañ tamit masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci wal yi nga xamne mom mo ñu intéressé particulièrement ci sunu sharh bi ba legui yeksi nañ ci masail usuliyya yi ak qawaid fiqhiyya ba tambali won nañ ko legui yi nga xamantene mom lañ ci wara gis rek insha Allah ci suñu jotaay bi ni mom moy al ijma lolou gison nañ mais ndax lan limu ñu intéressé ci buntu bi moy ijma ak nga xamantene mom mo am ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci haramu sangara al ijma wala bi nga xamantene mom mo am ci ne sangara mom dafa haram te lepp li nga xamantene day tourner autour de sangara itam dafa haram lolou borom xam yeb dañ ci depo amul kenn manam do dem ber gis ben borom xam mo na la sangaramam bon du dépend bon si c'est un peu c'est pas grave non lolou en fait amul ci borom xam yi kuy wax lolou leg la nang nga deug ci télé bi bon xéet waxin yoy kuy wax né wala ya na bon qui le permet bon mais il faut pas c'est l'abus voilà qui est interdit voilà lolou leg la nga deug ko mais lolu amul amana nak luñ koy jaawale amana luñ koy amana nak li nga xamantene mom lañ koy jaawale mom moy masala bi nga xamantene mom lañu gissone ne hanafiya rahmatullahi alayhim dañu wuté ci lan moy sangara ci bopom ak ñom dañ ci wuté ñi ci dess voilà donc légui kon inshallah ñu ñew ci manam ijma ci bopom manam lan moy ijma alors fama voilà bien assez toi wala deng legui wala amana lo amana lol lañ koy jawale mais ala kulli halin sangar ijma amna ci ijma nak borom xoxo fi rahmatullah dañ ko jappé comme lay manam argument bu solide c'est à dire que même bu fekente ne nit ñi xamuñu fan la manam nit ñi xamuñu argument ci alquran ak hadith bi tektalene nangam daganna wala nangam kharamna wala li nangam moy atem su fekkante ne borom xoxum yeb dañ ci depo ci ne li dañ ci depo boba lolo day dal nek un argument solide c'est à dire tay bu fekkante ne nit ki dafa ñew laaj ben mbir ne waaw man de dama bëggona xam lan moy wone ni cigarette mom dafa haram et que lutax borom xam xam yi wax ko parce que aussi il faut qu'on soit d'accord sur ben point ko moy ne cigarette dafa haram amul contre manam mën nga dig ci parce que ijma en fait dina ñew ci point bob ijma moy lan ijma moy le consensus communautaire c'est à dire que communauté islam bi yépp ñu d'accord depo ci benn mbir mais ijma dafa am fuñ koy bayé xel ak fuñ ko dul bayé xel c'est à dire limu bëgg wax fofu moy ijma bi nga xamantene moy ijmaul awam kokku mat ta bayé xel manam moy lan moy masse bi la masse populaire ou le commun des mortels ñom ñepp buñu depo wé xalaté non di xalaat dara lolu taxul lolu mat ta bayé xel parce que tout simplement la masse populaire kenn du len laaj sen avis ci mbir mi en fait ñom amuñu avis buñu wara joxé donc ijma bi nga xamantene mom lañuy bayyi xel moy l'avis moy ijma c'est-à-dire le consensus communautaire mais le consensus des savants voilà et que il faut que ñu bayyi xel tamit benen affaire moy buñu waxé le consensus des savants c'est-à-dire ijma ulama borom xam xam yépp deppou nañ ci dara il faut que borom xam xam yoy nek ño xamantene seen wax dafa mata bayyi xel ci domaine bi nga xamne mom lañ wax voilà tay fim tollu buñu taxawé dal di wax né dama jox exemple à titre d'exemple dañu crise économique amna ñu ni crise économique amna question bi li la légui nañu laaj ñi nga xamne ñom ñoy économiste yi lan mo waral problème bi am lan mo waral problème bi am bu économiste yépp d'accord yi manam ñi nga xamné ñom économiste lañ yu de renommée ñi nga xamné ño tax ñu wax ñom ñepp ñu d'accord ci ni nangam de moy cause bi lool dañ nan ijma amna ci c'est-à-dire qu'il y a un consensus voilà de cette communauté de l'ordre voilà des économistes ñom d'accord nañ ci né li mom moy tax ba hein la ba crise bi am ce qui fait que ñun awam yi manam sama masque bu ñëwé daan né bo man d'accorduma man à mon avis crise bi lool waralu à mon avis crise bi nangam la manam sama wax jojju du mat manam ko mu nek fi ak mu wagn fi nek ñoo yamul manam mbir mi lool il faut ñu bayyi xel lool donc suñu waxe ijma ci borom xam xam yi motax ñu wax lool mom motax leen nga gis yenn masala yi ñen ñi ne way ijma dafa am ci nangam buñu laaje ñu ne mais non attention ijma bo moy ijma ñen comme masala est-ce que neferay mbam seuf neferay mbam seuf daganna jay voilà bo xolé par exemple fof da ngay gis ne djumbou manam mom moy majorité borom xoxo manam maliki shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim dañu d'accord ci ne neferay mbam daganu to jay pour une simple raison moy ne mbam neferam sobe la et que sobe dafa haram jay voilà hein voilà alors que hanafiyeyi rahmatullah alayhi ñom d'accordu lool ñom bokk ñom dañ né non ñun d'accorduñ ci lool au moment où nafere yi mbam même bu fekkenté né ñun d'accord nañ ni sobe la am la lo xamné d'accord nañ ci quand même mom moy ci li ñu ko utiliser c'est-à-dire que pour mu jarign mu nekk toss loolu luy jarign la loolu utilité la et que utilité bobu manam le fait que mu nekk luñu mëna jarigno té lañ koy jarigno nekk lu dagal loolu mom moy waral nafaray mbam dagana jaay wala gis nga manam ñom ñom côté bobu lañ xolé mais bokk na ci liñu layé moy né ñom dañ né moy né non yeen c'est que ñun ci buntu istikhsan parce que loolu tamit benen affaire la manam istikhsan moy bu nit ñi day am bir mo xamantene ci 60 peut-être que mën na baña nek lu dagan mais que condition de vie yi nit ñi di dundé mom moy waral bir momu yalla da du koy woyefal mu nek lo xamné dafa dagan tout simplement parce que condition de vie mom moko waral kon ñu ci buntu istikhsan dañuy gis né ijma daf ci am parce que buñu xolé yag nañu gis ay nit ño xamantene dañuy jaay seeni nafaray baam bu ko defé baykat yi yo bu ko ci sen tole bu daal def nek tos anam moy engrais voilà mais li len jumhur di tont moy ijma bop ma tuta baye xel parce que ijma bi ngeen wax yeen moy ijma o awami moy ñi nga xamantene duñu ay borom xam xam ñom ñoy nek di jaay lolu tout temps diko jaayante sen bir mais buñu fay konté dañ ñëw rek ci borom xom xom bi ñu bari ci ñom da ngeen di gis né dañ lay dox la né len non affaire bi dagalu donc loolu mat na baye xel leg leg c'est à dire que mbir amna tamit différence entre ijma ak lu ñuy wax manam ash-shuhrat mom moy akup siw manam mbir mi dafa siw mbir nak mën na siw torop mais du nek du yegg degré ijma du sax yegg degré dagal na alors que dafa siw exemple moy doxante yi goré jigen ni doxante ay loxo té daganante wul té tamit duñ ay code armal wala bis yi ñi bisante ak yu mel nonu malgré que siw na leg leg man na bari man nga dem sax ci joxay bo xamné ya subhanallah diiné lañ ko defal lañ ko sampal nga gis manam ño xamantene ñom ñoy manam ñom ñoy kilifa yi seen bop ñi nga xamné deug deug manam ñom lañ jappon ni fim tollu bu fi buñu waré waxal diiné ñom ño wara jël kaddu wax ñom ci seen bop ñu def ko mais malgré lool siiw la mais dagalu c'est à dire que mbir mën na siiw fekk dagalu lool tamit benen affaire la bon donc amna différence donc ak ijma ak siway parce que rek ñu bëré lolo tax imam ahmad rahmatullah doon wax ne ijma dafa jafé saxal parce que il faut nga xam à une époque donnée kenn ku ci nek manam lan mom mo nekkon avium ci borom xam xam yi nga xamné amnañ droit prononcer wu ci question bo à chaque niveau ñom ñep manam chaque deuk bu nga dajale ñepp nga daal di mëna xamné kon ñepp ño bokk même ak yi biñ wax kon ijma amna lolu tax mu jafé mais amna ci yenn yo xamanteni c'est sûr que ijma amna ci comme par exemple julli farata lool mom amul fenn foy dem ci rew aduna ci en tout cas waxuma époque yi ñu tollo mais ci époque yi ndëkk yi nga dégg parce que ijma dafa am ben affaire bu am moy bu xëssé ba sax ci ben période day sax ba faaw lu tax ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo wax ci hadith bu nek sahih imam al-bukhari ne la yazalu fi ummati qawm dhahirina ala al-haqq la yakhafuna man yukhalifuhum hatta jaa amrullah manaw mune amna du deñ ci sama xet bi ni du deñ am ay nit ñoo xamantene dañuy feñ ci deug duñu wuté mukk manam ak deug tout temps dañuy nekk ci deug et que buñu nekké ci deug duñu ragal kenn ko xamantene da fay wouté ñom c'est pas parce que ñi wouté nañu né lañ affaire bi wey ké d'accord ki rek que ni rek ne ko ci deug non non ñom seen deug gogu ñu nek dañ ci cramponer sax ci quelle que soit résistance yi ñu am à côté voilà voilà ba yalla dik ak ngirum lool nak borom xoy wutale tax ñu ne dajjal ñew ki asufa mahdi ñew wala yawmal khiyamati wala muntu jamana et cetera mais ala kulli hal moy lool fokk mu am ay nit ñu mel non comme nak fokk mu am ay nit ñu mel non mom moy su ñepp d'accordé ci ben époque ci ben question ci ben wax lool lu muy tekki moy ne wax jott moy deug même bu fekkante ne après benen jamono ñew na ba kenen ne non non d'accordou tout ba am kenen ko ne d'accordou mais au moment où amna ben époque donné bo xamantene nit tax nit dok d'accord lañ ci ben question lool mom moy question bobu non lool mo ci deug lool mo tax bokku na ci ni ñi xamé wéne wax ji moy deug mom moy ñu mëna saxal né ijma amna ci à une époque donnée ci kaw loolu borom xam xam yi rahmatullah alam dañu wut donc pour ñëwaat ci masalam cigarette xam nga fim tollu bo ñëwé awami manam moy la masse populaire le commode mortel mën nga ñëw ñu né la woy macro moy dañ ko sip kessé wala ñu né la binu ñuko fenn alcorane wax ko alcorane da wax cigarette nga ni ko dédé mu né la hadith na ngeen di sallallahu alayhi wasallam dafa waxone cigarette baxu nga ni ko dédé mu né la ko noko xamé voilà c'est à dire lolu bokku na ci tontu ñaan buntu la amna benn bi moy buntu qiyas bo buntu bu deugar la benen buntu bi moy buntu ijma c'est à dire que époque borom xam xam yi manam do fekk ben borom xam xam parce que aussi ijma day sax tamit ci dafa am luñu wax ijma sukuti ijma dafa am ben façon ci ijma buñu tuddé al ijma sukuti maintenant yoyu borom xam xam yi rahmatoullahi alayhim sero forme bi dañuy wouté ci est ce que mën nañ ko layé wa wala dé ci ben solo forme bi lool mom motax ci ben ki moy imam ash-shafi radiyallahu anhu don wax na la yum sabu ila sakitun qawlan ku nopi kenn duko askanale wax manam le ya un proverbe français qui dit que qui ne dit mot consent c'est à dire qui ne dit rien consent amna proverbe français bu wax lool ne ku waxu dara moy da nga d'accord kepp ko waxu rek d'accord nga imam ash-shafi nak radiyallahu mom d'accordul ci principe bob dani non la yunsabu ila sakitin qawl ku nopi ken duko askanale wax voilà maintenant lolou tout dépend ci li tax mu nopi bu fekente ne li tax mu nopi dañ ko xol gis ne mom amone na indépendance totale pour meuna wax limu xalat ci cas de figure bo xamantene information yexi na ci mom mu nopi dañ koy askane la wax ci cependant su fekkene dafa am cas de figure yu ko meun téré wax soit yeguko wala yoy wala ba gaay di dajé ci question bi wala bañ cey waxtan mom laaj ñu ko avion xamuñu won ci lu mu ne mom yegul won question wala question musul ñew tuma ko kenn du ko askana la wax voilà voilà donc lolu ben ki la legui lay kon ci walu cigarette mom do dem ci ben borom xam mu nan la cigarette du bax wala tukhul grawul voilà maintenant awami nak meun nañu xalaté lu len nexé mais do dem ci ben borom xam mu ne la baxna voilà borom xam xam lay wax voilà wa ngal kessena wal fias lan lañ argumenter prouvenez que cigarette dafa haram c'est la walu qiyas voilà walu qiyas moy ma def ben raisonnement bo xamantene comparatif le raisonnement comparatif le c'est à dire par analogie moy man moy ilhaqu hein hukmin wala bok ilhaqu far'in bi aslin li illatin jami'atin baynahuma wala ilhaqu c'est à dire que ijma moy ma jël ben atté no qiyas moy ma jël ben atté bo xamantene pour exemple dama am ñaari element ben bi a la ben bi b la element a man amna ay texte sharia yu leer yu may wone ni atté bi nangam la wala bok dem na ba par sama raisonnement abivena ci xamne element a mom atté nangam la li moy atté sharia ci element a ñu no ñu le element b par contre element b y a aucun texte bu ñew pour wax wala bok element b ay cas de figure la yo xamantene bi mi xew c'est parce que fekk na manam xew xew bi ci jëmi bopam cas de figure bi ci jëmi bopam da fekk ne yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam soit fim doon dundé c'est-à-dire que zone géographique bi soit époque bi mu doon dundou bir momu cas de figure bobu concerné wu le mom parce que lolou day am tamit comme cigarette comme mi ngi melni comme ataya ak café ataya ak café non la mel motax borom xom bi est ce xam ngeen ni dañu wouté ci ndax ataya ak café dagan na yalla ah est ce xam ngeen lol voilà légui mom pour revenir ci suñu voilà suñu ki moy né légui kon légui nak buma bëggé xam atté bi nek ci élément B mu gis né mom ak élément A ñom bokku nañ ay cause ay tax ay cause mané a d'accord comme ñu bokku cause donc cause moy waral conséquence ndax principe de causalité donc ce qui fait que ñom bokku cause ñom bokku conséquence aussi et à partir de ce moment là ma jël élément B atti buma jox élément A ma jox ko élément B lool moy qiyas voilà légui buma ko bëggé xam atté ndax cigarette dafa haram ci élément lan B dama koy nat ci mbolém lo xamanténé day waral fièvre day waral lor ndax hadith bi dafa wax la darara wala darara bo gissé ak lepp lo xamantene da fay waral lan de day waral de voilà te alquran mo ne wala taqtulu anfusakum innallaha karabikum rahim yalla ne bu len ray sen bop c'est dire que ki nga xamantene am na mourir a petit feu voilà ki nga xamantene wala ki nga xamantene mom mo ray bopam ça veut dire mo nan ay ay médicament yo xamne daf ci jëllu upp pour ray bopam koku mom ak ci jam bopam pa ka ñu nuro lutax parce que cause bi lenn la moy am intention manam en tout cas ray sa bop moy cause bi manam muy intention ak sans intention parce que ray sa bop ci jëmmi bopam kon en connaissance que ni manam en connaissance de cause que ni li buma ko defé damay né lolu ci jëmmi bopam mom lañu tuddé xaru voilà lolu ci jëmmi bopam mom lañu tuddé xaru manam moy lo xamné moko defé en connaissance de cause moy day waral ak dé manam lën lay causer moy dé voilà légui kon buma jëlé paga niko dubbu sans bop lolu ak ma nan ay médicaments yu bare yu waral ma de ben la voilà légui nak ci qiyas moy da nga nan xol légui est ce que muy tuk bo xamantene waji may jaay cigarette bi mom ci dembi bopam bind na ci fi ci wer gi nema waji de lay ray voilà mom ci bopam nako da lay ray hein mo diko djel lolu moma xaru ñoy yam mais dans une moindre mesure parce que aussi mënuñu ko yamalé ak li nga xamné da lay ray ci sasi mënuñu ko yamalé ak li nga xam da lay ray ci sasi lolu mo motax mu nekk lu haram lo xamantene haramam yegul ci deugere xam mais comme xam nañu ne manam cause bi mi ngi fi même boudé dans le long terme la que ni kon até bi da fi nek tamit au moins até interdiction bi terre bi da fi nek légui nak soko bolé le fait que abass la manam am fola ndax mukki ko frère en fait à part ce plaisir de manam xëc ak sanni kessé té fo tamit dafa haram voilà boko bolé ak économiquement mu nek yak may fatni ko bimay inscrire une première année amna ben document buñ ma joxone bo xamantene bobu dañ doon sensibiliser ci tourkat yi pour étudiant yi bay tour quoi ñu échelonné né boy jënd nang way tour nangami cigarette par jour xolal nga échelonné ko fi ak 5 ans auto ngi jënd manam nga gis ñu woné ki bi quoi voilà man la affaire bi di démé voilà boko don économiser li ngay touxé boko jëlone nga diko économiser at sangam bu yexé ak auto ngay jënd voilà donc déjà enjeu économique yoy mi ngi ci aussi et cetera donc mais so tabaxé ben industrie de tabac des produire ay liggéey kon mën na accompagner développement économique de Non, xam nga lutax mënul accompagner développement économique bi moy dañuy xol pour le compte voilà c'est à dire que bu fekkante ne deug nit ñi wëratu ñu liguey bi dootul mëna nek té voilà ba paré tamit pour fay luñu leen fajé mo gëna cher encore donc ñuy soko bolé day daal nek lo xamantene pour ak contre bi day gëna compliqué voilà nit ñi buñ dé dé ak toutes les conséquences yi mu waral ci ñom ak xalé yi jiddu aussi ndax dañuy ndax seen yaay wala seen papa dañ tok donc il y a toutes ces conséquences là yoy boko xolé dans le long terme limi yak mo upp ap usine rek bo xamantene nangami man li ci liggey ci nit ay 100 personnes de 200 donc lool rek manam mënoko gis lool mom motax amna motax même ci sangara mu wax ne amna lu ci am jariñ gis nga manam mo yow côté bi ngay wax sangara ci jëmmi bopam usine sangara wala ki yor boutiqueum di ci jaay sangara dinako apporter un côté financier mais côté bo boko comparer ak limi yak ci public bi ak ci masse populaire bi ak ci communauté bi da ngay gis ne jaratu ko c'est à dire que voilà dootul tolloti day balance bi day déséquilibré wu ba voilà et par conséquent lolu mom moy waral kon ñu téré ko ce qui fait parce que xam nga lutax en fait dafa am lo xamné il faut que ñu comprendre ko yalla bindul lo xamantene lu bon kessé la am yalla lu bind rek même bu boné dina am lu bax mais le fait que lu bon dominer c'est-à-dire que le côté néfaste dominé moy tax ñu téré ko lool mom la wax né sangara ak jeu de hasard manam waji casino bi ki def ki casino borom casino bi hein waji ni ak ki defar film ki ngay waji nu tudu borom casque bi mais kokku mi ngi ci gagner sa vie wala mais soko xolé après conséquences yi mi indi ci société bi lool vaut mieux ñu téré ko sangara bi kikoy jaay ak ki nga xamantene bon ak en tout cas ak manam processus bi yepp kikoy defar kikoy ki ñimi employé ci nit yepp bok xolé lool économiquement day am lu muy apporter mais so xolé ci benen côté bi manam nga xol côté le fait que nit ñi buñu nané sangara ba paré dootu ñu lucidité manam dootu ñu normal ce qui fait que ni sen productivité day wagneku nga xol le fait que suñu nané sangara buñu paré dañuy meun nañu agresser nit manam meun nañ def lu ne manam donc insécurité lay indiwale le fait que muy waral haine bi di établir parce que nit ñi buñu commencer nan sangara lu bari di ki ak jeu de hasard d'ailleurs day waral haine beuri ci manam ci sen but parce que on fait que groupe ñe nankat sangara lool jarum wérante bo ci bëgge xam lu dara demal fañi nané sangara nga surveiller nga xol gaay yi nan lañuy comporter wo bo ci bolé so ci bolé le fait que waji day nan sangara ba mandi jël auto dawal ko dour ko fenn mom soit mom mu dié mom ak ñeneen ñu ci dess ñimu andal wala ñu paralyser ba faaw hein wala mom ci bopom mu dawal auto bi fiir ay nit wala dour auto bi ci ay yeneen nit ñoñal ye ñom tamé té ñom defu ñu dara manam so xolé le total day gis ni poids bi ni amul poids boko bolé ak le fait que sangaram di waral di indi ay xéetu fièvre yo xamantene liñu wara fay fat ñoñu nga xamné dañ fièvre té lolu waral ko manam so défé poids bi y a pas photo voilà tout simplement. Voilà, tout simplement. Bon. Voilà. Est-ce que vous pouvez utiliser le hadith qui est utilisé dans le halal, il y a des cigarettes pour des frias. En fait, voilà, c'est-à-dire cigarette, fumée d'oubou, d'oubou qui a l'humour moustabihat. La ya'lamu annaka fi min al-nas dugul fo ci al haram bayinu lay dug waaw manam voilà xam nga lutax parce que qiyas ci jëmi bopam mom ci bopam ab argument la ci sharia voilà wala fi sax dañ ko wax ku ndub bin ray sama fo gisee lu ñul mais c'est ça c'est que mais lolu moy qiyas. Voilà, lolu moy qiyas. Voilà. Ah, ndobi mere mo rayal sama. Té moy gis mo rayal sama. Lolu moy sumu ko gisé muy ñew. Pourtant non. Mais comme sumu to bu ñu top. Ah, jumbo ji du ak ki quoi. Farm soubeur ici. Wa. Légui comme cigarette. C'est prouvé que ça tue à petit feu, comme nous voir. Quand l'autre thème, si vous avez assez, c'est si vous comprenez. Non, non, voilà. Voilà. Voilà. Comme la différence. La différence. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. La différence. La différence. Moi, tu dis que tu as un peu de temps. Regarde. Ñepp d'accord lañ mais bu fekkenté na tout temps yap xar ngay lek tout temps à un moment donné da lay indil fièvre parce que tout simplement da ngay dem ba da fay upp ci yow voilà mom moy kaw glucide bu bari protéine bu bari et cetera sucre su bari moy indi ay diabète et cetera ak lu mel non voilà donc lool la c'est à dire que ay mbir la yo xam nga dagal nañ mais que bu uppé da yak. Contrairement à ce que vous savez, du bu uppé la yak tay fim tollu bo gisé li ñu nane un fumeur passif wala ko xamantene tamul tux tay buñ tuxé ci kanamam ni da ngay gis bu saxar ci dugg ci bakanam rek dënd bi mën nako indi fela wala mu indi ko xéttu sopp xam nga lolu bokul ak ko xamantene hein bokul ak lo xamantene yow tay fi doon dañ nan la li nga ci lek mo bari mais nga mesurer ko lool nak dafa am ben affaire rek bu muy wax moy ni nit ñi ay jaam lañ lool lay wone jaam moy ko xamantene amul autorité totale ci bopam amul autonomie amul indépendance voilà amul liberté lool moy jaam et que ñun non lañ mel. C'est-à-dire que moi, je suis en train de faire des consommations, je suis en train de faire des droits. Parce que si je le fais, tout simplement, sama bop lay détruire sama bop lay yak voilà bëgg na affaire yi neex na lool mais problème bi moy il faut me limiter ci waruma top sama bakkan parce que suma ko défé bu ñu démé ba ci kanam je serai obligé de rythme bo xamné mo gëna danger mo gëna restrictif encore tout simplement voilà légui bu ñu délussé ci kon voilà ci ijma kon ijma le consensus communautaire moy manam borom xam xam rahmatullah alayhi mais ni daire ah dafa am deng voilà donc kon kon ijma lol la et que borom xoxom rahmatullah alayhi de manière générale depo nañ ci né dañu lay ijma amma ñu xamni ñom ñoy zahiri rahmatullah alayhi ñom depo ñom d'accord nañ ci ijma sahaba radhiyallahu mais d'accord ñu ci ijma ñu ñew seen ginnaw voilà parce que ra mais wax nañ né lay bi gëna lay li wone ni ijma lay la moy hadith biñ la wax ak tamit amna ben aya bu ko wax man shaq rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam voilà moy kep ko xamantene da nga fete woute fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fete min shaq rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda ginnaw bi nga xamantene njub gi birna la wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nga top yoon bobu tok yoonu way gem ni nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam dagn koy mengale lamu dagn koy fete ne famu fete famu faral bopam ñu sanni ko bi jahannam wa sa'an masirat te muj gogu muj guñaw ko donc lolu mom moy lool day tek tele parce que le fait que ku top yoon bu bokk ak yoon bi woy gem bi julit ni top c'est à dire que bu julit ñepp faré fenn yow nga dem far fenn yow kessé lool lañ wax manam loolu lañ wax né képp ku ko def gis nga yalla ne daf lay bolé fam la da ngay dalay fété le fa nga fété bu sañu la jaxal donc lool moy wala ni ijma lay la voilà bon légui kon ñu delu ci wat ci masala li waxon nañ tamit masala bok na ci masala yi nga xamantene bon avant ñuy gis masala bobu ñu gis benen masala moy buñu gisee ni dañu gis ne li dañu def lu ñu tuddé ci benn masala ñu masala fiqi usuli bo xamantene lañ utiliser moy lu ñu wax ak tarjih moy masala ak tarjih manam mom moy bu fekkante ne masala dafa ñu xam nga tay ndax soppi vinaigre ndax jël sangara soppi ko vinaigre dagal na wala deul buñu xolé dañu gis ni hadith bi daf ni dedet buñ ko def mais buñu gisé amna benen hadith moy gisson nañ ko yantibi sallalahu alayhi wasallam bu nek sunan dar khutmi rahmatullahi alayhi ne yantibi sallalahu alayhi wasallam ne sen vinaigre yi gën mom moy yi ngeen soppé yi ngeen jëlé sangara ci soppé ko de toute façon hein moy mom lañ koy défaré légui nak kon ñu gisé ni maliki ya khanafiyya rahmatullahi alayhi dañ ci layé ne sangara soso manam ke ni dañ ko dagalalon avant et que après dañ ko dindi lolu moy tarjih moy notal moy dañu notal ben hadith ci kaw yenen manam hadith yoy lañu notal ci kaw suñu hadith bi et que événement bobu lañu notal parce que tout simplement moy tarjih moy ne ndax dañ ko ci luñu tuddé an nasx manam luñu tuddé an nasx mom moy abrogation moy dafa am nasx ak mansukh wala amana inshallah jotta bi peut-être que duñu ko may ñu yaatal walu nasikh ak mansukh mais xamna dañ koy yobbu ci benen jamono mais jamono ji li ñuy wara wax mom moy li nga xamantene mom mo aju ci walu tarjih manam moy notal dafa am moy bo amé ben bo amé texte ci ben sujet texte yi manam apparemment ñu wuté am nga ñaari yoon manam ñaari masla wala bok ñett mais ñettel bi en fait dedul avi motax moy masla ko tawakkuf mo tawakkuf moy mané man amuma avi ci masala bi mais sino am nga ci ñaar bu ñëk bi mom lañu tuddé maslaku tarjih non bo moy ñaara bi bu ñëk bi mom moy masalul moy maslakul jamaa moy al jamaa manam mom moy ma dajalé mané mbir mi kat mën na leen dajalé mën na leen bolé ñom ñaar dakonté wuñu c'est-à-dire que ben wax di dañé manam lolu jam moy moy ñaar yi wax lolu gis nañ ko plusieurs fois ci digënté khas ak am hein lan mutlaq ak muqayyad et cetera yoy gis nañ ko plusieurs fois mais ci gattal manam jam mom moy mani nan lay fexé ba ñaari texte yépp mu mën leen utiliser et que wax ji djup et que avis bi djup manam mu gis na appliquer na ñaari texte yépp and ak na ñaari texte yi dañoo apparemment dañoo am une différence manam dafa melni dañu wouté ni ñi waxé lool moy maslakul jamaa amna benen yoon benen processus bu mu mëna jaar moy lu ñu tuddé maslakut tarjih moy ma notal c'est-à-dire que mané avis bi dé amna question bi amna ñaar taxi dañu wouté de manière totale té xamuma ban lay jël ték ko ci ko benen bi il faut ko ma notal c'est-à-dire que il faut ko wut ay éléments yu ma permettre ma mëna jël notal benn ci ko benen bi lool mom moy tarjih soit nak parfois légui damay xol ci ordre bi comme fini fi liñ xol mom moy folli moy nasbu fini lool lañ ko xolé ci suñu masala bob mais amna lég lég ay cas de figure yo xamantene tarjih bi miñu amé ci dalil bi manam mom moy né texte bi ni mo gëna dëgeur que benen texte parfois tarjih bi tamit démé non notal bi voilà donc amna ay en tout cas bepp yoon bo meuna utiliser moyen bo utiliser pour notal ben hadith leg leg par exemple ning leg leg ni ñuy notale moy ne dañuy xol par exemple khulafa ar-rashidun yi ban lañu jiffe ci ñaari taxi lo tam parfois xétu notal la et cetera voilà légi en tout cas amna ay yoon yo xamantene pour meuna notal la wax ci kaw wax liñu soxolone fi mom moy ñu signalé né bu taxi ñëwé taxi yi wuté parce que xam nga ñun lan moy suñu problème parfois ci yenn question yi moy dañu am benn texte japp né texte bobu moy def loi ci mbolam masala bobu manam ci mbolam manam masala bobu yépp texte bobu rek ka fay loi alors que du mbir bi du défé non so amé benn masala bu mëna doon ci masala yi diine masala bu mën doon so amé question bu mëna doon da nga am il faut nga bayyi xel ben affaire bo xamné dafa important trop moy lan moy nga xol d'abord nga recueillir d'abord texte yi wax ci lolu yépp il faut nga am ko après nak boudé suñu jamono da nga ci wala bolé wax yi ci borom xam xam yi wax nga dajale len tamit ba xam ko parce que lolu fu amul meun nga japp ben wax bo xamantene en réalité bayyi nga benen wax bo xamantene bayyi wu lo xel wax joju te parfois koku nonu nga bobu wax nga bayyi argumentation bi daf ci am ay éléments yo xamantene dañu déterminant pour avis bi parfois lolu lay jam donc lolu il faut nga bayyi ko xel et que à partir de ce moment là ci bu fekkentene am nga ay moyens capacité intellectuelle pour pas capacité intellectuelle djoubluma ci mous nga mais lima ci djoublu moy xam nga yoon yi xam nga maîtriser nga usul bi maîtriser nga en fait pour notal et puis voilà manam am nga ben certaine maîtrise ci domaine bi pour meuna notal benen masala bi nga xamantene inshallah kon amana fi lañuy jéxalé mom moy masalatu dilalatul moy dalilul iqtira daq dalilul iqtira bien lan moy dalilul iqtira waaw lan moy dalilul iqtira dalilul iqtira moy ma am ben texte bo xamantene dafa am ñaari mbir yu mu boole ñaari mbir yu mu boole yo xamantene bam leen boole ci la xamé ni d'accord cause bi manam yi mbir yi bo gisee texte bi boole len c'est parce que dañu lan dañu bok até est ce que dafa am dafa deuguer wala deugul fofu la borom fofu muy wouté ah taram dina lay jox exemple pour ñu gaaw rapidement exemple bu ñëkk bi moy borom xam xam yi rahmatullah am dañ ci amna exemple cas de figure yu bari cas de figure bu ñëkk bi borom xam xam yi dañ ci d'accord ñom ñëpp comme par exemple fi alquran ne inna allah innama harrama alaykumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla lighayrillah bi li haram ci yeen dal moy li deret dafa haram moy deret buy wal moy comme gissal nañ deret dafa haram lan ak lan med dafa haram ak lan yap mbam khuf dafa haram ak lepp lo xamne dañ ko rendi ñu rendil ko leneen luddul yalla moy ndep yeek xet yoy yoy dafa haram donc alquran bo gisse mu bolé yep ci né li dafa haram bo gisse alquran bolé lepp né yi dafa haram mu dajalé len c'est parce que manam ñoom ñep dañu dugg ci ron li dafa haram kon yoy muy lim liste bobu muy dresser liste bobu mu tek day wone ni lepp luñ fa tudda la da haram ñom ñok dafa bokkat ndax lan ndax wax ji mu wax ne yalla haramal na nangam kon ñom ño bokk at lolu dal ikhtiral deugër na amul ku ci wuté ñom ñep da ko nañ ci lolu amna ko xamantene dalil ikhtiral tamit borom xam xam rahmatullah alayhim d'accord nañ manam dañ ci wouté tamit manam yeneen ka wul bok amna parce que cas de figure bi meuna tuddu amna benen bu mu tuddu moy sayakunu fi ummati aqwam yastahilluna al-hirra wal-khamra wal-harira wal-ma'azif hadith la bu nek ci bu sayyidna abou bakra radiyallahu anhu bu nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dina am ci bir nit ñi ci sama xet bi ay nit ñoo xamantene dina ñu dem de ba di jiema daganal xetu al-harra moy libertinage voilà manam xétu anarchie ci buntu sey voilà ci buntu sey donc goor ñi ak jigen ñi mën di and num leen nexe mën di dekkendo grawul wala jigen ñi bu leen nexe ñu bon sen bop la ñoo mom sen bop hein bu leen nexe hein ñu jaay sen bop wala su len nexé naam duñ jaay seen bop mais lu bu len nexé ñu solo wala ñuy doxé wala ñuy défé nu len nex au risque que pour rek attirer pour ñi amul problème parce que elles se sentent bien dans leur corps am nañ ci droit goor ñi ñoo wara téé seen bop melni machine mais en fait wala ay animaux en fait ñom lañu wara wax lolu aussi c'est à dire que mëno japp ni téé ko tak tanki tak loxo yi yew ko enrouler ko sanni ko ci bir geej gi ba paré ne ko bul toy bo toyé ce foot le c'est ta foot so toyé voilà bon ala kulli halin lolou dinañ ko gis té yentibi sallallahu alayhi wasallam wax na deug voilà waxna deug parce que lan nañ gis nañ muna ak lan al kon al harra muna wal khamra ak sangara ku mu neex dadi out xetu lula neex wala luy mandilaté wala yenn xéti moy comme luñ doon wax sank rek voilà hein voilà xéetu loy tux wala loy jamo wala loy ki wala et cetera mu lern na ni baxul mais yow lern na nga wax moy dubi dal dubi wa whisky dal yenté bi xam ko won whisky mom sa way wax leen ma lenen waye whisky mom yenté bi xam ko sallallahu alayhi wasallam jeex ak lan al kharir kharir moy soa voilà dor ce soa bamou neex la xam nga dafa haram ci bour ni dagan na nak ci jigen mok or wala mok or ñoyam ak takay yi aussi ay jaaro ñom lam ñom chien ñom bour may nañ ko mu tak jaaro bu def 6 grammes environ jaaro khalis luddul lolu ci mom dafa haram ne di nga gis ay nit ñoo xamne dañ nan bo grawul écouter nangam nangam façon lay bu ne ñu indi ko pour wax ne en tout cas finalement dagal na dal finalement dagal jaaro bi nek xaliss ñu bind ci initial or voilà yoy yeb dafa non non goor mom li rek mo dagal ci mom li ma la wax kesse même bu dey dafa bari même bu dey ay jaaro yu bari la yo xamne bo len bolé deful 6 grammes dafa haram voilà deng donc lolu voilà donc lolu ci yow lay gis danger waxon na la deng nga gis nga voilà deng nga legui kon lolu moy kon lolu muna tamit kharim moy soa yeen sa fam neena amna nit ñoo xamne dinañ dem ba japp ba jikko jima dagana muna la muna wal maazif maazif moy musique moy musique tamit di nga gis gaay jema fexé ba daganal ko ba daganal ko voilà lenn lu ci nek ñu jëm la wax na la non c'est que bi bokut ak bé bi c'est que li la dafa haram lool mom tay fim tolu même ñi nga xamantene dañuy yëngatu ci walu gogu sax ñom seen jëm bop xam nañu baax fim tol bon à un secret à un certain degré doné lay wax parce que amna ño xamantene yëguñu li geejji di rir tout simplement parce que ñom de toute façon dal ki imaginer wuñu né haram la amna ño xamné imaginer wuñu né haram la ñoñu nak duñ na haramul ci ñom mais dañ nan até yi ñi tek ci ñom mën nañ ko wacc en tout cas mën nañ leen expliquer war nañ leen expliquer la voilà bon légui kon yi yep parce que amaaz mo instrument musical yi voilà yep dafa haram mais dina am ño xamné dañ jëm ak fexé tout bon ba layal ko argumenter jëm indi fi par ci par là bari bax finalement dagan na légui wa gaay trouvé gul won li tax mu dagan mais finalement légui dagan na en fait dagan voilà légui nak nañu xol légui buñu xolé yi yep dañu dugg ci ronu ben mbir moy lan manam bo xolé énumération bi dafa dugg ci ronu ben mbir moy lan dina am ñuy dem ba daganal ci nangam donc liste bobu yep dafa haram lool dalilul iqtiran manam lu fit ke ñu lié lool argument la manam lay la légui ñu ñew ci cadre figure bo xamné dalilul iqtiran borom xam xam ni dañ ci wuté rahmatullah alayhi te lool mom moy cas bi nga xamantene mom mo ñu mais amna benn cas bo xamantene nak bo mo eulum manam bo sétlo bor xoy bu ñuy wax ci seen ci question yi day gis né cadre figure bobu dafa xawal leunt dafa xawal leunt ci ñom touti manam ci ñom moy ñu ci bari cadre figure bobu dina ci ñew légui inshallah mais ma ñew ci cadre figure bi nga xamne ñom ñep d'accord ñom d'accorduñ ci et que ku nek amna ci position bu clair et que amul ben kenn ku ci ku mulanti ci bop bi moy lan moy comme fi nga xamantene dañu wax mais wu amul lu len luy tektele ne nangam de dañ ko téré manam comme tay par exemple bu nane wal khayla wal bighala wal khamira litarkabu hawazina wa yakhluqu ma la ta'lamu borom subhanahu wa ta'ala ni lim yi nga xamantene mom lañu tagatalal ak nga xamne mom la def binduko mune bok na ci khayla moy fas wal bighala moy baxla wal khamira ak mbam li tarkabuha ngir ngeen war ko wasina di ci tarlo manam moy war wañ wa yakhluqu ma la ta'lamuna binduna sax lo len xamul binduna lo xamanteni ñu jekki ni xamuñu ko won ci ñun te binduna lo xamanteni ñun xamuñu ko mais suñu doom yek suñu seddi dinañ ko xam voilà ci war way la wax war way buñ ko war way voilà deug mais buñ xolé le fait que mou lié légui lool masala bob par exemple bo xolé hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañ né comme dañ leen relier loolu day tekkale né dal comme dalilul iqtiran mo fa né manam moy le fait que ñu relier leen moy wané né ñom ñoo bok atté tamit ci sharia manam ñom non lañu gisé mbir ce qui veut dire que né nga né waw ngéné man mom mune la man hanafi bi man ben question rek moma poser won problème té légui résoudre nako bima gissé sama aya bi ngéné ko lan la mune la problème wax pass lo parce que man xamone na né baxla dafa haram baxla moy doomu fa sax mbam moy berkel mom lañ wax berkel ci wolof bardo xawma wala mulé mom néna dafa haram mom xamnañ ko lo leer na dinañ ci ñew inshallah ci ban hadith bi teggu ci han bi teggu ci bi la inshallah dinañ ci ñew ak mbam seuf dafa haram moy an moy mbam bi ñepp xam kémer ku fa dëkk mbam bi ngay xam bobu mom mo tud mbam seuf voilà tamé précise kémer kay ah Sénégal la wax quoi ah bien ba xamna ya lañu jala sa voilà donc mbam seuf moy bobu mom lañ xam wala voilà voilà moy and rek moy biñuy waral voilà biñuy tek bagage donc légui mu dess lan ay bi ñett la tuddu lekkel leen moy ban ak ban fas berkel ak lan ak mbam seuf mune man fas ak manam berkel ak mbam seuf xamone na arté sharia bi moy dafa haram ngene waaw lo bëgg wax fofu mune la limi tekki mom moy le fait que ñu lekkel leen moy comme moy wané ni fas tamit dafa haram harama lek mais borom xam xam yi ci dess d'accorduñ ci masala bobu ak ñom borom xam xam yi ci dess rahmatullah alayhi manam mom moy maliki shafi'i hanabi rahmatullah d'accordu mais nak maliki amna ci parti bo xamantene d'accord nañu ak ñom motax dalilul iqtirar nek lay manam ci buntu bobu ci cadre figure bobu ci yenn ci maliki rahmatullah alayhi mais nak du ñepp sauf que motax question bobu bo xolé mazhab maliki rahmatullah alayhi ñom dañ ci demé ci benen wax bo xamanteni dina ci ñew inshallah mais bo xolé xaraf xana bi lay safé mo wax na non mom lool mom amul argument buy woné fas ak ma man fas do xaraf kon xaramul dagan na lek amul problème maliki rahmatullah ne bon ñun on va jouer la prudence gaal ñun xawuñu lu ko xaramal mais le fait que quand même ñu lekkel leen fi day tekkel leen quand même bokku nañ ay mbir après inshallah lolou day rejoindre ben cadre figure mais amna benen buñu gis manam cadre figure bi nañ ci def ben parenthèse ñu wax cadre figure bobu ñu wax yeneen exemple bok na ci gis bis amna buñu gisoon ci hadithu juromel boy riwayata riwaya abu daud rahmalahu manana la yaqasul ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun nona la yaqulanna ahadukum fil ma'id da'im wa la yaqtasilu fihi min al janaba bu kenn ci yeen di gaanu way ci ndox mo xamne dafa tek ndox mu tak mu dul daw bu ci kenn ci yeen gaan way manam bu ci kenn ci yeen tour ndox ba bare dal ni te bu mu ci sangu fekk dafa amé janaba manam le fait que ñu lekkeli ñaari wax yoyu yeen sallama lekkel leen motax hanafiye rahmatullahi alayhi gis ne dalilul iqtirar mo taxaw te dalilul iqtirar argument kon lan lay tekkel moy ne lan kon sangu ci janaba manam sangu lan manam tour ndox ci ndox mu tak ni mu koy sobele nonu la nit ki bu amé janaba sangu ci bi ndox mu non la koy sobele ñoo atté bobu lañ joxe manam moolam atté dañ ko bolé dafa haram dafa sobé da ngam atté bu ñox bénn dañ koy jox bi moy da la iftiran bi wax comme li ñu joxé ci suñu lay suñu cadre fi bi ñu gis moy lan ñom dañu gis né dañu iftiran bi mo waral lan mo waral mbam comme comme fas bax la mba manam moy barkel ak mbam suuf dañ leen di wat dañ leen di tarlo lekkel gi ñu lekkel day wonen tamit dañu haram ñom ñep day wonen tamit ni ay sobé lañ manam kon atté buñu jox bi dañ koy jox be ngir lekkel gi ñu lekkel dal kanta Shafi ak ma ak Hanabila rahmatullah ñu amuñu ci ñom ñom lolu nangul Maliki rahmatullah ñoom dañ japp ne en tout cas avis bi bi gëna siiw ci mazhab bi moy ne lek fas dagan na mais dañ ko sip c'est à dire que gënul man dañ ko sip cependant lay yi degeur yi dañuy jappalé avis wu ñam hanafi hanabila yi ak shafi hanabila yi rahmatullah ndax lan ndax hadith bi nek ci sahih imam bukhari say ratu asma bint abbakar radiyallahu anhuma ne ñun jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam rendi nang fa fas seddelé ko me yenenbi sallallahu alayhi wasallam lekku ci mom dañu mom lekku ci me nak parce que lool lu fait que mu waxé ko nonu moy wané ni parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ci lekul rek waye rend nañ fa suu bo fess ko ñu seddel ko togu ci gaay yu lek ci yent mo ci lek ko sala sal kon lool day tek ci leena dagal na parce que su dagal mu won du ko gis du ko fek du ko du bayilo da koy ter wala bok dana wax ne geñul wa donc loolu day wone man loolu benen cadre figure la ci lan ci dalilul iqtirar amna benen cadre figure ci dalilul iqtirar legui mom moy nak bi nga xamantene nak bobu mo gëna leunt tuti moy bon legui lan moy wone ne dalilul iqtirar ci buntu bobu degeul moy li aya bi wax ne kulu min samari idha asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin aya bi dafa ni bu fekenteene da ngeen goop wala deqi jour bi ngeen deqé jour bobu lek len ci kulu min samarihi iza asmar wa atu haqqahu yawma hasadihi wala te ngeen joxe ak bi te mom moy asaka di wara gemé ci bo len gobé manam bo deqé asaka dim ci wara gemé nang ko joxe te bu len yaq manam bo xolé ñoom ñi atté yi mu lekkale yépp ben bokku ci sama lek ci sama mbay manam buma bayé sama tool ba tool bi ñor ba tabarakallah ma daal di dékk wala ma bok wala ma ras su dé dama ras aussi est-ce que amna suma nexé ma bañ ci lek manam lek gima ñi lek lolu dafa dagan kesse farat du farata dafa dagan kesse d'accord na alquran wa atu haqqahu yawma hasadihi mom moy nangen ci dangen joxe ak di moy lan moy asaka ji lan la dafa lan dafa war farata la wala tusrifu bu len yak dafa lan haram manam ñet yoy te pourtant bokku ñu ay atti lool moy wone ne dalilul iqtiran ci buntu bobu du farata du argument mu am benen cas de figure moy bu fekkene ne dañ leena dajale ci ben concept bu général alors que concept bu général bobu kiwul précisul c'est-à-dire que munuñu ca dégué ni nangam daga na wala haram na xolal alquran ne wa atimul hajja wal umrata lillah matal len ak ak umra ngir yalla manam aj ak umra boko xese ba tambal obligé dang koy matal manam fim tolu amul dem ba ci bir boko xese ba tambal amul ba ci bir ne bon man finalement na baye ba dewen quoi bon finalement affaire bi c'est un peu compliqué tu sais nit yi dañ beuri et puis je me suis pas préparé psychologiquement donc voilà quoi na baye quoi bu dewe non lolu do awuma droit mais légui nak voilà légui fof li ci jaaxal borom xom yi manam li nga xamne mom mo indi questionnement bi li ci li indi ki borom xom moy ne le fait que mu nek lo xamantene ak xam nañ ni farata la mais umra xam nañ ni du farata te pourtant dañ leen la lekkale xolal ci ben liste ben énumération matal leen lan ak ak umra ngir yalla ak umra ba légui su fekkante ne lolou mom motax dalilul iqtiran ci buntu bobu nak borom xam xam yi manam lolou motax mu xawal leunt touti mais après dina ñew ci cadre fi bop inshallah amna tamit benen inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ha ha wa yanha 'anil fahsha ha wal munkar voilà وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم به لعلكم تذكرون يالا داي تيري دا يالا بوك دا فا ديغل ان الله يامركم دا فلين ديغل لان بالاحسان تي رافتال بالعدل بوك تي ماندوتي والاحسان رافتال وايتاء جوخه ذل قربا ها واي جيغنالاي وينهى دا فا تيري عن الفحشاء تي نجومتي في يو غراو يو بوني wal munkar yi nga xamantene yef cible yep dañ ko téré wal baghya ak beew ya'izukum mi ngi len di wax mi ngi len di xup mi ngi len di dankafu la allah ta zakaruna ah dankafu gi amana bo len ko dege di ngeen delu ci patlu leg nañ xol buñ xolé fi dalilul iqtiran nañ jël rek cas de figure bu ñëkk bi moy né yalla dafa diglé lan manduté ak lan ah rafetal ak lan joxé ñi nga xamantene ñom ñoy way jégué ñala yi ak njiru mi ak pauvre yi buñ xolé lolu dinañ gis né fofu li tax dalilul iqtiran poser problème and ak ne liste la buñu énumérer comme nimné da haramal nangam fi tamit dañu dafa diglé nangam moy nak moy manduté dafa war wala warul dafa war être juste devant une quelconque situation est une obligation lool mom ñu xamnañ ci quelconque situation bi mandu dafa war légui rafetal bi adli wal ihsan rafetal def lu rafet manam bon na def li tax mo gën rafet lolou dafa la dañ ko sop du obligation jox way jégué ñala yi aussi amna fu muy nek obligation mais amna du obligation de manière absolue etc donc légui buñ xolé yoy mu dajalé ci limu né li la yalla diglé nañ ko def hein ba para mu lim ay mbir yo xamantene pourtant énumération la mais bokku ñu atté lolu moy indi problème bi mais buñu xolé lolu moy tamit fi mu waxe al fitra khams wala as sunnatu ashara wala al fitra ash fuk yi nga xamne mom la lim boole ci al matmadatu was siwak et cetera yo xamantene duñu farata mais mu boole ci al khitan comme ha moy xarfal wala han mu bolé ko ci yoy nga xamné farata la mo wax ci ñen ñi mais du farata ci ñeneen ñi iafa ul lahya manam moy baña wat sikim par contre bobu farata la ba comme ni mouray nekké farata ci goor ñi ci jigen ñi voilà a kon baye sikim farata la wala sunu bu deug non non farata la d'ailleurs ci neena ci marati bul ijma ni ngi doon wax sank ci ijma le consensus communautaire kalsi al imam ibn hasm rahimahullah marati mo ne wa ajma'u ala an halq al lahiyat haram ñom ñep borox xaw yep deppoon nañ ci ben affaire moy ne wat sikim dafa haram al imam ibn abd al bar non ibn abd al bar rahimahullah wagnibi nak voilà wagnibi mom moy fofu la question bi nek te lolou dafa am tamit degré normal c'est à dire lo xamne borom xam xami rahmatullah dañ ci wouté cependant bob mom dañ ci wouté comme shafi'i rahmatullah ñom daga nañ nañ wagnibi mais maliki rahmatullah ñom par exemple daga doon voilà deng voilà legui bo xolé legui al hafid ibn abd al bar rahimahullah muné ci charh bu ñu charh hadith yi wax ci lolu ci muwatta man ci tamhid muné halqul lihyat haram wala yaf'alu illa al mutahannisuna min ar rijal wat ci kim dafa haram té kenn du ko def loolu manam xéetu goor jigéen ni manam ñu ñu gaana ci goor ñi ñoko def imam malik rahimahullah daf doon wax né té loolu mi wax joju ki toxal nako ci mom kan ha ibn wahb ak ashab ha rahmatullah ñom toxal nañ ko ci ñom té wax joju mi ngi ci mawahibul jalil han bu al khattab et cetera ak yenen tere yi sharh muftasar khalil ci buntu bobu ñu ne imam malik rahimahullah dafa ni kep ko xamantene da fay wat ci mom dañ ko wara en fait dañ ko wara puni dañ ka wara puni dañ ka wara door yar ay yar puni ko voilà lolou mom moy li exemple tible entre lu siw ci awami ak li nga xamantene borom xam xam ni dañ ci d'accord voilà lu siw ci awami d'ailleurs legui même ñi nga xamné ñom ñu ay référence lañ tax ci diiné sax manam ay référence entre diiné ñoo ci jitu voilà yalla sam yalla ñu yalla may ñu top bi yent bi sallallahu alayhi wasallam jangal motax buntu la motax jamono la jo xamantene manam sax ko xam xam deug dafa war parce que soko deful do xamé lan mo war ak lu warul soudé dang ko tek ci topando soudé dang ko tek ci taklit topando ñom serigne diw dañuy def li ñom samba li lañuy def ñom demba ni lañuy doxal boko tege ci lolu kessé lu ci upp di nga djum manam sax ko xam xam dafa war imam ash-shafi'i rahimahullah mom dafa wax né ko xamantene da nga wat sikimu jambo dang koy fay comme liñuy fay biya bo dagon loxo nit ha ah lol lañ do ko mo xam et cetera voilà ala kul hal lima ci djublu won voilà et cetera lima ci djublu won dal lol manam kon il faut que ñu comprendre né atté yi dafa am voilà dafa am té deur même tay c'est à dire que xam nga lan mo lay déranger en fait haqiqatan du jëmmi mbir ñu moma dérange manam man momay dérange mais lima dérange ben affaire kessela moy mbolé nit ñi d'accord nañ bo dem borom xam xam yi mbolam ñu melal yenenbi sallallahu alayhi wasallam d'accord nañ ci ben point buñ koy melal dañuy wax ne sikki mum da sokko ñepp ko d'accord lool mum amul kenn kuy wax ci sunu yenenbi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam di jox melal loolu hein voilà hein voilà loolu ne dina wax dina waxale descriptif bok et que sunna yenente bi la sallallahu alayhi wasallam même bu fekkonté né tay dañu waxone sunna la manam buñ d'accordone rek ci né agul deug référat mais ñu ag ñu japp rek né sunna la li dérangeant moy lolu manam moy nan nga mëna taxawé né sunna yenente bi la sallallahu alayhi wasallam yenente sallallahu alayhi wasallam ni la mel naka djek té ni na mësa doxalé ngani mom moy sa model mais quand même nangulo ko topoto c'est-à-dire que c'est seulement point bobu mom moma xaw déranger man en tout cas personnellement voilà et puis boudé ci awam yi man déranger wuma sincèrement boudé ci awam yi déranger wuma parce que souvent xamuñu et puis tout temps dañuy nek ci taqlid bobu moy mimétisme bobu mais fi muy déranger wé mom moy buñu ñëwé ci milieu borom xam xam yi wala milieu manam ñi nga xamné ay kilifa lañ quand même ci diiné ji nga xamné ñom ñoo censé représenter quand même kibit parce que fep fo dem manam koor bo dem dañuy wax ne dañuy am ben xéetu teul buñu respecté c'est à dire que dafa am no xamné ni ngey ki manam tay fim toll so demé par exemple bo demé ci koru justice par exemple dafa am tenue yuñu sol c'est à dire que juge bi wala avocat du ñew n'importe quelle tenue bu ko neex mu sol ko voilà so demé tamit ci wala ba paré dafa am numu wara mel dal c'est à dire que dafa am ben représentabilité bu mu wara am dafa am numu wara mel voilà c'est à dire que tay moy voilà c'est à dire que tay fim toll man li ma sol ni suma démé ci plateau télé bi ñu interroger ma man je suis un sociologue voilà manam fim toll nit ñi bu ma xolé duñu wul parce que dañu wax né voilà exactement voilà c'est à dire que voilà duma inspirer même confiance en fait voilà suma démé ci keur voilà comme lolu buma démé keur médecin bi di dem sét ci docteur bi ma ñeu fekk ko mu yor mu wék ben jaasi apaka voilà ak kèd yoy non ak cou dëmm et cetera mais duma am confiance voilà c'est vrai que dafa am lo xamantene même ci côté apparence bi rek dafa am lu ñuy exiger lolu tektelewul ni apparence bi kessé lañu wara soigner mais apparence bi soigner ko aussi ci la bok voilà parce que tamit ñu bari da ngay gis dañuy am xéet ki bobu non manam ay sunna la yo xamantene manam dem buñ ko jappé sunna manam bo xamné ne yegul sax ci degré fa manam lool moy buñ natalé won ay sunna rek lañ yo xamantene yeg bon baatu rek bi sax déjà dafa déssé correct mais buñ ko jappé won nonu sax mënuñu consider manam mënuñu jël hein manam mënuñu manam mënul nek lo xamné dañ ko war di négliger nonu voilà fim tollu bo gissé même voilà ça veut dire en tout cas day amna waruñu en tout cas yentibi sallallahu alayhi wasallam dañu wara nuru biram ak bitim mënuñu né rek biti bi bir bi rek lañu nuru mo am solo dedet mënuñu né biti bi rek lañu nuru mo am solo dedet dañ leen wara bolé donc bir bi mo ëpp doolé biti bi mais nak yentibi sallallahu alayhi wasallam côté bi lañu wara topono nuru parce que fim tollu képp ku fi am ab star bo xamantene mom moy sa royu kay bu fekkentene football kat la kou la gis day da koy gis manam kou la gis day gis né am ngeen ay ressemblance you hein physique bu fekkentene way kat la kou la gis day gis ab ressemblance physique voilà à part Cheikh Omar mo bokul suñu ah man ko ton ci rat me ko buma gisé len way dugg ci ma gis mu nuro bop ma la te xawma kan la rek voilà mais lolu voilà donc C'est-à-dire que ko gis lool mom moy généralité bi té lool moy lu normal moy normalité bi munu ñu né dañu bëgg yéne ci sallallahu alayhi wasallam dañu ki mais xolal munu ñu né tamit dañu bëgg soxna yéne ci sallallahu alayhi wasallam do ak té dara yoy ak ñu mel ak ñu bax ñu yéne jigeen ñu bax yépp ba paré duñu am ben ressemblance ci suñu bi amul amna ndaw suma ko doon wax yagul dara muqaddam mi ngi fi won sax biñi wax ndax bo ndaw si amna num doon en tout cas dal ci bir wax di dal wax na ne en gros que ni voilà ñom nangam gënu ñuko jullité nangam manako nak bu waxé non parce que ñom ku leen gis dina japp ni ki jullit la mais yow ku leen gis ci mbéd bi sincèrement bo leen tassé kessé du japp ni jullit nga ay rien ci sa bit luy wala ni jullit nga. Cela ne veut pas dire que nak ni koko gëna julli té tékkiwul lool djubluma ci lool voilà mais que quand même ben partie le quand même ci diini ji munu ñu né diini ji quand même ay bir kessé la munu non quand même munu ñu né bir kessé la bir la ak biti té bir bi biti bi day refléter bir aussi voilà. Donc lolu pour délu ci wat ma ngi djeg lolu légui pour résumer pour gatal ci dalilu iqtiran lolu kon dalilu iqtiran hein kon bo xolé buntu bobu nga xamné yalla dafa digël li alors que mbir yoy yeb buñ len xolé ak tamit bu nane matal len adja umra dadi wax fitra wala sunna yi dadi wax ay mbir yo xamanteni yenn yi sunna lañ yenn yi farata rek ci cas de figure yoy fofu la mbir mi alame leunte ci borom xoxami mais buñu xolé deug deug tahqiq bi dinañ gis ne amna tahqiq buñ ci mëna def moy lan moy ne bu fekkante ne wax ji dafa général comme tax ne matal leen ak umra manam ci le fait que matal gi dafa war lolu ak umra ñoko nuru wone mais que lolu luñ bok c'est à dire que dalilul ikhtiyar kon fiñ ko mëna tek moy ci li nga xamantene ci cas de figure bob moy bat li nga xamne mo leen bolé bat bobu limu englobé comme bune yalla diglena mandoute ba para dan diglena rafetal mandoute gi farata la ci lu ne mais def li gëna rafet lan la dafa gën mais quand même le fait que yoy yep di liñu diglé parce que liñu diglé lu war ci la bok mais luñu recommander ci la bok manam bo xolé yoy le fait que fitra wala yoy yep dugg wala sunna fofu nak tekkiwul sunna comme biñu xam ci fikka sunna fofu limi tekki mom moy li nga xamantene yenenti ya ali musta sallam dañ ko saxo won mu nek ci ñom ñu diko def wala lool mom moy sunna fofu moy fitra wala fitra ko lool la ci fo buntu bop ci hadith yoy donc lool lay tekki mom moy ne kon li mom moy li nga xamne ci ciosan yalla li la tanal yenenti ya sallam ñu melni. Déjà, est-ce que vous êtes est-ce que vraiment vous êtes content de ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez buñu xolé hadith bobu da ngay gis ne kon pourtant pour jéxal ko da ngay gis ne kon sangara ci bopam buñ ko xolé dañu gis ne sangara buñ ko soppé dañ koy mëna soppi vinegar et que sangara nak haramé vinegar dafa dagal lolu tamit dafa am ben mbir mu muy taxalé manam nit ki tout temps muy mu war di recycler tout temps yi nga xamantene manam mom moy xéetu même mom ci bopam ay xéetu doxalinam xéetu waxinam xéetu definam moy innal hasanatu yuzhibna sayyi'at yu rafet yi dañuy yobbu yu ñaaw yi. C'est-à-dire que nit ki ci sangar ak sobe gi mu nekk won ci sangar ak xalaat yu bon yi ak doxali yu bon yi ak pass bu bon bi mu nekk won mu daal ko yool ba dik def ko vinegar bu dagan bi nga xamne yeen sa sam neen ni'mal idamul khall ay way ñeex mi ye ka neex way ak ba moy vinegar. C'est-à-dire que bu fekkante na kon fexé nga ba sa sangaray sobe sa sangaray jikko yu bon manam yoy mu neuf nu ko gam lek sangara ak doxal yu bon yo xamantene day yak rek comme niko alcorane waxe ndax neena sangara kat lan lay indi han nono ada baghda bañante han ba pare da len di fexe ba do len nek ci waya su dokum an zikrillah da len di du moy lo tuddu yalla ak julli yi lepp lo xamantene daf la koy daf lay day tax ba nga melni lolou xamal ni mo lolou sangara na ci yow manam meme budul sangara ci jëm sangara la ci batin manam ci bir wala kon nga fexé ba sangara soxu nga soppi ko nak def ko lan vinegar te vinegar mom deskri vinegar vinegar nek wala manam moy nga def lu bax boko soppé nga def lu bax nga nek ci lu bax ngay wax lu bax doxal lu bax soppé ko lu bax lolou yeb tamit manam ishara la ci ci suñu ci hadith bi manam ci ne nit ñi war nañu fexé tout temps bay am esprit bobu non et que su lolu amé ci lay daal di nekk nit ku bax manam nit il faut mu fexé ba jikkom yu bon yi doxali lu yu bon yi waxam yu bon yi ak yépp lu bon ci mom mu diko soppi même bu dé ndank ndank la parce que sangara bu jogé dem ci Bénégal du manam processus la réaction chimique la bo xamné dé processus la ba muy mat non la tamit bo nekké ci yu doy war ñewul graw djimal graw da ngay nan sangara nit ki day nan sangara day ndialo day wax lu dul deug day jeuwate day yak ay digeunte day dem nangam day sat day nangam graw l'essentiel moy mu xamne warul war na jugge fi na dem fene te yi yep yalla rek la ton manam bopom la ton sax lañu wax yalla la ton bopom la ton te yalla pare na pour bal ko pour soppi ko djel sangara djiko yoy soppi ko def ko binéja manam djiko yu bax melo yu bax def ko wal yu bu maga mag lolou yalla pare na pour lolou xam nga lan lay laaj yow nga pare pour ne man nanguna ñoom yaronte sallallahu alayhi wasallam ne koku yalla mo gëna contane ci mom ke ki nga xamantene tay moy hadith bobu gisoon nañ ko ci kunuzi ki pertone manam tay en gros buñ doon résumé dañ nan manam waji dafa tukki ba ci dem ba ci ci all bi ci désert bi yobale gëlem ak monture ak li ci nek yeb dem bam yaag mu teud na na nopalu gëlem nga dem ak mbolam la ci nekkon tay ku demon yor gis nga ku joron sa auto ni dem ko yob kamer jël auto bi def ci sa bagage yi nga jottono am yeb li nga jottono liggey ak lepp rek nga dajala ko nga jël ay billet nga tak ko def ko ay liasse billet tek dougal ci bir auto bi nga yewu gis ni auto bi dem na manam nga ne na tok nopalu dem ba ca désert Mauritanie bi non yewu gis ne auto bi dem na gisatu xamatu ci voilà mais ni muy jaxlu ki tok ne bon mo finalement na xaar de mu jek yewu gis ko ci kanam neena mu contane mu fek gilum bi ci kanam neena mu contane ba japp ci ne yalla may sa borom yaay sama jam manam ndax contane man min ci datul farax ndax contane manam da dafa djum kokku yalla mo geuna contane ci ki delu ci mom ko kokku non kon yalla lolou la bëgg manam kon grawul mbolam sangare mën nañ leen soppi def leen bi negal c'est là que mbolam jikko ñaaw nit ki nu mëna mel bu mu décourager mukk bu mu am mukk déception ci bopam na japp ne mën na soppeku dem nek nit ku baax voilà lolu dal nit ki manam na am idée bobu ci bop bi voilà maintenant nak lolu réaction chimique la c'est à dire que dafa am lu muy laaj lenn lu ci nek dafa am lu muy laaj pour nga mën djugi ci li dem ci li parel rek yow pour mel nonou borom subhanahu wa ta'ala da na la jappale pour lolu am c'est à dire que sangara boko jele nga tek ko pour nga soppi ko nga def ko mettre ko ci condition yi nga xamantene da na nek ci binégat borom subhanahu wa ta'ala tek na ben système buy déclencher wu automatiquement ci nature bi pour mu dem nek ci binégal yow tamit su fekkante da nga am ay jikko yu doy war ay melo yu doy war defal nek lu la neex nek assassin goor jigen defal lu la neex mais parel rek yow lolu rek la parel rek pour dem nek ci ku bax borom subhanahu wa ta'ala da la jappale pour nga dem nek ci ku bax voilà mais bul tok muko nan je ne suis pas encore prêt, nous attendons, je suis foutu. Donc voilà, voilà, je suis foutu. Non, amour, lolo, amour. Sangara bu nek mën na nek Bénégal. Nit ku nek jikko ju nek mën na dem nek soppi ku nek totalement bi gën ci mom. Mbir mi ci ciobare Yalla rek laaju. Amal sa volonté dafa lekkolo ak ciobare Yalla. Affaire bi